Les trois philosophes par Horace von Hoffel. Ah ! S'écria le verdier, qui reprisait ses chaussettes avec beaucoup de soin. Ah ! La présomption, mère de tous les fanatismes, quelle chose terrible ! C'est la présomption qui est la cause de tous nos maux. L'Europe est à feu et à sang. Nous sommes tapis à trois dans un misérable abri de boue, sur lequel il pleut des obus et autres objets dangereux. À chaque instant, nous risquons d'être écrasés comme des cloportes. Et que faisons-nous ? Nous nous disputons furieusement pour imposer nos idées l'un à l'autre. En dépit des philosophes, d'avant la guerre, que c'est loin, mon Dieu. Je crois que Jean-Jacques Rousseau avait raison. L'homme n'est bon, ou tout au moins, pas plus méchant que le chimpanzé, le phoque. Mais c'est la littérature qui le pervertit. La littérature et le cinématographe. On a voulu nous faire croire que les guerres n'avaient d'autre origine que nos appétits physiques. Quelle plaisanterie ! Jamais les hommes ne se sont battus que pour leurs principes, ou si vous préférez, pour ennuyer leurs voisins. S'il n'avait été question que de partager les terres, l'or, le blé, le fer, il y aurait longtemps que le désarmement général eût été chose faite, mais non. Il s'agit de prouver la puissance de nos dieux, l'excellence de nos lois, nos coutumes, de notre justice, de notre liberté, de notre civilisation. Et il est même curieux à constater que, plus le but est pur, désintéressé, plus les carnages sont atroces. N'oublie pas que la guerre actuelle a pour objet la paix. Aussi bien n'a-t-on jamais vu un massacre pareil. Mais je me demande pourquoi l'on combattra dans l'avenir. Peut-être pour des questions esthétiques, des soirs d'Hernani à coups de mitrailleuse et à gaz d'asphyxie. C'est le jugement téméraire que Rosen vient de porter qui m'incite à penser ainsi. Rosen a dit « Les cubistes sont des traîtres, il faudra les fusiller tous jusqu'au dernier. » « Et je le maintiens, » déclara Rosen froidement. « Vous l'entendez ? » Son imagination s'est arrêtée au seuil du XXe siècle. Depuis, il est devenu aveugle, comme l'homme du Pont Neuf, et il veut nous tyranniser au nom de la vieillesse prématurée de son esprit. S'il avait la dictature, il traduirait d'inoffensifs jeunes gens devant son conseil de guerre pour défaitisme artistique et littéraire. Mais allons un peu respirer au dehors. Il me semble que les 12 apôtres de la culture germanique ont cessé leur sermon. Nous sortîmes de notre trou. Il tombait une petite pluie fraîche, légère, bien que le temps fût clair et que le soleil donnât au paysage l'aspect précis d'une plaque photographique bien tirée. Nous étions bizarrement habillés tous les trois. J'avais une peau de bic, le verdier une imitation de peau d'ours grizzly, terreur des montagnes rocheuses, et Rosen une couverture de cheval sur laquelle on lisait 3e C, 1er P, 2322. Devant nous, le panorama s'étendait, très vaste, bordé de collines bleues. Il y avait une forêt sans arbres, un pont rompu sur une inondation, un village en ruine, avec une tour penchée à donner le vertige à celle de Pise, un champ de broussailles de fer, et un tombeau dominé par une croix de bois, triste comme le mât d'une barque naufragée surgissant d'une eau morte. Plus près, gisait sur le flanc une bête fantastique, un dragon, une tarasque, une tortue d'acier, un tank enfin, camouflé en couleur du temps, et montrant à l'air son monstrueux ventre de chenille. Il y avait encore un immense terrier, où nichaient des lapins vêtus de bleu horizon et qui parlaient français. Tout cela était écrasé par un ciel énorme, un ciel démesuré, un ciel flamand, où roulaient des avalanches de nuages jaunes pâles, massifs comme des blocs de marbre, hauts comme des Himalayas. Et quelques essaims de guêpes mécaniques, volant au-dessus de nos têtes, complétaient ce spectacle que nous regardions avec la stupéfaction de ces naufragés que l'on voit dans tous les romans de Jules Verne, arrêtés devant l'un ou l'autre prodige de la nature. Un météore, un volcan en éruption, une huître géante ou une fontaine de feu. « Je voudrais bien, » blague le verdier, voir cela reproduit par Phidias, ou mis en alexandrin par l'honnête Nicolas Boileau. Michel-Ange et Victor Hugo eux-mêmes y auraient perdu leur verve. Quant aux réalistes, n'en parlons pas, il n'y a qu'un japonais qui pourrait s'en tirer. Cela n'a ni commencement ni fin, pas de ligne, pas de perspective, c'est un enchevêtrement insensé de couleurs, de taches et de symboles. De la fange et de la gloire, de la pitié et de l'horreur, de la bêtise et du génie, des engins de cyclope sur des trous de pygmées. Aucun art n'est capable d'exprimer ce chaos, si ce n'est l'art que Rosen décrit. Les cubistes seront les seuls traducteurs exacts de cette épouvantable et merveilleuse époque. Rosen se serra dans sa couverture. À part cette diablesse d'inscription, 3e C, 1er P, 2322, il avait l'air d'un ancien grec drapé dans son péplos. « Rien, déclara-t-il, ne peut ébranler mon amour de la raison et de la symétrie. Je suis au-dessus de cette mêlée, même de ce pêle-mêle. Périsse l'univers. Jamais je ne renierai le divin équilibre, père du Parthénon et de la clarté latine. Comme un flambeau dans la nuit, je reste debout au milieu des ténèbres envahissantes, et j'adore l'éternel palace Athéna. » Alors la discussion menaça de devenir orageuse. Le verdier protesta. « Le passé, tu ne sais que regarder le passé, regarde le présent. Il est joli, le présent. C'est un cataclysme providentiel d'où jaillira un immense progrès. Il n'y a pas de progrès. Il est peu visible parce qu'il monte en spirale. » En ce moment, une explosion formidable faillit nous renverser tous les trois. Et tout de suite après, il se mit à tomber une véritable grêle de projectiles d'un calibre exagéré. Aussitôt, nous cessâmes de parler et nous regagnâmes notre caverne en rampant à quatre pattes. Cependant, ce bavard de Leverdier eut encore le temps de murmurer. « Oui, le progrès monte en spirale. Seulement, nous sommes à un mauvais tournant. Voilà tout. » C'était « Les trois philosophes » par Horace von Hoffeld.